La Bible David Martin 1744. Deuxième livre de Samuel, chapitre 1. Or il arriva qu'après que Saül fut mort, David étant revenu de la défaite des Amalécites, demeura à Tsikla 2 jours. Et au troisième jour, voici un homme qui revenait du camp de Saül, ayant ses vêtements déchirés, et de la terre sur sa tête, lequel étant venu à David, se jeta en terre, et se prosterna. Et David lui dit, « D'où viens-tu ? » Et il lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Qu'est-il arrivé ? Je te prie, raconte-le-moi. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui de la bataille, et il y en a eu beaucoup du peuple qui sont tombés morts, Saül aussi et Jonathan son fils sont morts. » Et David dit à ce jeune garçon qui lui disait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et Jonathan son fils soient morts ?» Et le jeune garçon qui lui disait ces nouvelles, lui répondit, « Je me trouvais par hasard en la montagne de Gilboa, et voici Saül se tenait penché sur sa hallebarde, car voici, un chariot et quelques chefs de gens de cheval le poursuivaient. Et regardant derrière soi, il me vit, et m'appela, et je lui répondis, « Me voici. » Et il me dit, « Qui es-tu ? » Et je lui répondis, « Je suis Amalécite. » Et il me dit, « Tiens-toi ferme sur moi, je te prie, et me tue, car je suis dans une grande angoisse, et ma vie est encore toute en moi. » Je me suis donc tenu ferme sur lui, et je l'ai fait mourir, car je savais bien qu'il ne vivrait pas après s'être ainsi jeté sur sa hallebarde, et j'ai pris la couronne qu'il avait sur sa tête, et le bracelet qu'il avait dans son bras, et je les ai apportés ici à mon seigneur. Alors David prit ses vêtements, et les déchira, et tous les hommes qui étaient avec lui en firent de même. Ils menèrent deuil, ils pleurèrent, et ils jeûnèrent jusqu'au soir, à cause de Saül et de Jonathan son fils, et à cause du peuple de l'Éternel, et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Mais David dit au jeune garçon, qui lui avait dit ces nouvelles, « D'où es-tu ? » Et il répondit, « Je suis fils d'un étranger amalécite. » Et David lui dit, « Comment n'as-tu pas crainte d'avancer ta main pour tuer loin de l'Éternel ?» Alors David appela l'un de ses gens, et lui dit, « Approche-toi, et te jette sur lui, lequel le frappa, et il mourut. » Car David lui avait dit, « Ton sang soit sur ta tête, puisque ta bouche apporte tes témoignages contre toi, en disant, « J'ai fait mourir loin de l'Éternel. » Alors David fit sur Saül, et sur Jonathan son fils, cette complainte, laquelle il proféra pour enseigner aux enfants de Juda à tirer de l'arc, voici elle est écrite au livre de Jasar. Aux noblesses d'Israël, ceux qui ont été tués sont sur tes hauts lieux. Comment sont tombés les hommes forts? Ne l'allez point dire dans Gath, et n'emportez point les nouvelles dans les places d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne s'en réjouissent, de peur que les filles des incirconcis n'en tressaillent de joie. Montagne de Gilboa, que la rosée et la pluie ne tombent point sur vous, ni sur les champs qui y sont haut élevés, parce que c'est là qu'a été jeté le bouclier des forts, et le bouclier de Saül, comme s'il n'eût point été oint d'huile. L'arc de Jonathan ne revenait jamais sans le sang des morts, et sans la graisse des forts, et l'épée de Saül ne retournait jamais sans effet. Saül et Jonathan, aimables et agréables en leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort, ils étaient plus légers que les aigles, ils étaient plus forts que des lions. Fille d'Israël, pleurez sur Saül, qui faisait que vous étiez vêtus d'écarlate, que vous viviez dans les délices, et que vous portiez des ornements d'or sur vos vêtements. Comment les forts sont-ils tombés au milieu de la bataille, comment Jonathan a-t-il été tué sur ces hauts lieux? Jonathan mon frère. Je suis dans l'angoisse pour l'amour de toi, tu faisais tout mon plaisir, l'amour que j'avais pour toi, était plus grand que celui qu'on a pour les femmes. Comment sont tombés tes forts, et comment sont péris les instruments de guerre?